voir Paris. Un petit séjour d'un mois. Revoir Paris. Et me retrouver chez moi. Seul sous la pluie. Parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard. Prendre un taxi qui va le long de la Seine. Et me revoici au fond du bois de Vincennes. Roulant joyeux vers ma maison de banlieue. Où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Mon Dieu, que tout le monde est gentil. Mon Dieu, quel sourire à la vie. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci d'être ici. Ce n'est pas un rêve. C'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ses gens. Tous ces braves gens de la Varenne et de Nogent. Bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne vers la mer. Je suis un enfant, rien qu'un enfant tu sais, je suis un petit français. Rien qu'un enfant, tout simplement. Louis Charles Auguste Claude Trenet va néixer a Narbona, avui en dia a França, el 18 de maig de 1913, i va morir el 2001. Charles Trenet va ser un compositor i cantant francès, anomenat per alguns el pare de la cançó francesa. Ben aviat va patir ja malalties i durant la seva convalescència, amb el propòsit d'entretenir-se, va començar a desenvolupar les seves habilitats artístiques, iniciant-se en la música, la pintura i l'escultura. Un personatge que ens va acompanyar també en el món de la música posteriorment durant la Segona Guerra Mundial, quan actuava amb freqüència amb els cabarets, amb alguns cabarets de París, i després d'acabar la guerra va viatjar als Estats Units, on va viure uns anys i va aconseguir un gran èxit amb una sèrie de concerts en el Bagdad de Nova York, rebent ofertes de la indústria de Hollywood. Allà va conèixer Louis Armstrong i va iniciar una llarga amistat amb Charlie Chaplin. Hi ha cançons destacadíssimes de la seva trajectòria que també podrem escoltar amb algun dels nostres programes. Plein d'oiseaux et de fleurs. Et les Pyrénées chantent au vent d'Espagne, chantent la mélodie qui berça mon cœur. Chante les souvenirs, chante ma tendre enfance, chante tous les beaux jours à jamais finis. Et comme les bergers des montagnes de Florence, chante le ciel léger

noyers, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle est à bercer le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour là-bas. A bercer mon cœur. Pour la vie. Una aturada en el món de Charles Trenet dins el nostre programa per donar pas a l'Àngel Rodríguez, el nostre company i amic en radiofònic que una vegada més, una setmana més, ens presenta la seva proposta musical de la setmana. Benvingut, Àngel. Què tal, Rafael? Amb una sola cançó, Daniel Gerard es va donar a conèixer al món. Es tracta de Butterfly. Tot i que el títol és en anglès, Papallona, la cançó es va fer famosa a França en francès i a la resta de països com a Anglaterra o l'estat espanyol en la llengua vernàcula. Va sortir l'any 1969. Amb vosaltres, Daniel Gerard, Butterfly. Auf dem Feld blüht weiß der Jasmin und ich ging ohne Ziel vor mich hin. Wie im Traum, da sah ich dich am Wege so allein, wie ein Schmetterling im Sonnenschein. Butterfly, my butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Butterfly, my butterfly, wann werd ich dich wiedersehen? Jedes Wort von dir klang wie Musik und so tief wie die See war das Glück. Eine Welt voll Poesie, die Zeit blieb für uns stehen. Doch der Abschied kam, ich musste gehen. Butterfly, my butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Butterfly, my butterfly, wann werd ich dich wiedersehen? Es ist still, nur der Wind singt sein Lied. Und ich seh, wie ein Vogel dort sieht. Er fliegt hoch, hoch über Meer, im Sonnenlicht hinein. Gerne möcht ich sein Begleiter sein. Butterfly, my butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Butterfly, my butterfly, wann werd ich dich wiedersehen? Butterfly, my butterfly, jeder Tag schön. Butterfly, my butterfly, Gràcies, Àngel, per recordar-nos aquest personatge nascut concretament a París l'any 1939, de pare armeni, de mare italiana, però criat bàsicament a Rio de Janeiro. Per tant, quina barreja musical que ens ha portat. Hem començat el nostre programa parlant de les cançons de Charles Trenet i de la influència que ha tingut en multitud d'artistes. Amb aquesta segona part del programa anem a destacar-ne alguns d'ells i anem a escoltar versions de les cançons de Trenet, però amb altres intèrprets, com és el cas d'aquest toc que ens arribarà ara mateix amb la versió brasilenya de la cançó Què queda dels nostres amors, una cançó que ens arriba des de les petjades més dolces de la bossa nova, amb João Gilberto, que es rendia a la màgia de la cançó francesa i ens posava uns ponts d'una melancolia extrema entre el Sena i Copacabana. Amb un registre més intens, i també des del Brasil, s'ha de notar l'excel·lent versió que va fer d'aquesta cançó, Eu te desejo amor, que casa en portuguès, la Maria Betània, que també ens havia acompanyat. Escoltem aquesta versió de João Gilberto, Què queda dels nostres amors. Que restait-il de nos amours? Que restait-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que restait-il de billets doux? Des mois d'avril, des rendez-vous. Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonnet fané, cheveux au vent, baiser volé, rêver mouvant. Que restait-il de tout cela, dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. De mon passé, que restait-il de nos amours? Que restait-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que restait-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonnet fané, cheveux au vent, baiser volé, rêver mouvant. Que restait-il de tout cela, dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, paysage si bien caché, et dans une nuage les chefs visages de mon passé. Cheveux au vent, baiser volé, rêver mouvant. Que restait-il de tout cela, dites-le-moi. je sais bien cacher. Et dans une image, les chers visages de mon passé. Que restait-il de nos amours? Que restait-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Així hem escoltat a João Gilberto, que queda dels nostres amors. Una altra de les versions diferents que podem trobar, i entre d'elles també trobaríem moltes versions en anglès, per exemple, el tema I Wish You Love, Nat King Cole, que també és la mateixa d'aquesta peça que queda dels nostres amors. Aquest I Wish You Love també el va interpretar Sam Cooke en alguna de les seves interpretacions. Amb certa insolència també, alguns artistes han portat cançons de Chaltrené, com per exemple el cantant d'origen argelí Rachid Taha i el seu grup Cartes Jour, que agafava com qui assaltés una de les cançons preferides de l'aleshores president del Front Nacional, un partit que començava a conèixer els seus primers èxits electorals aleshores. Aquesta havia servit de bàlsam a la França ocupada. Era un cant de tolerància contra la xenofòbia i la discriminació. La dolça França amb Cartes de Séjour. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, chérie de mon enfance, bercée de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils verts au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'espoir, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Dans mon cœur, douce France, France. Esteu escoltant Ulala Music. Seguim viatjant i a Ulala la Music amb en Ciril Torres, que ens acompanya com cada setmana amb el nostre programa per ressaltar-nos alguna de les peces i dels estils que hi han fora del que és França, pròpiament dita, sobretot en temes més africans. Avui cap a quin país viatjarem, amic meu? Doncs, hola Rafel, gràcies doncs, per tornar a permetre'm compartir una peça. A França hi ha una expressió que a mi m'agrada molt, no es parla de cançons, sinó que es parla de morceau, un tros, en comptes d'una peça. A mi és un concepte que m'agrada molt, de la cançó com a morceau. Ens anem a sentir l'Orquestra Nacional de Barbès. L'Orquestra Nacional de Barbès és una formació d'origen magrebí, però que es va formar a França i que recupera tot el que és el patrimoni popular de la música del nord d'Àfrica. Han anat evolucionant i en aquest cas el que sentirem és una peça que jo li tinc molta estima perquè és moltes coses. De fet, ells són àrabs, viuen a França i el que sentim és un merengue cantat en francès. Ell és Wawa i són l'Orquestra Nacional de Barbès. Je t'enfermerai pas sur un livre de tes choix. Mon wawa n'avance pas, chaque fois que tu n'es pas là. Tu vogues les douces et le sas, ici rien à faire, paralysie. Je danse et puis fais quelque chose, moi je propose, toi tu disposes. Dans mon wawa y'a tout pour toi, rien du premier juin. Oui c'est vrai, y'a pas de télé, mais regarde un peu, imagine. Tu dis qu'il n'est pas bien pour moi, que jamais tu n'y monteras. Je m'arranger comme une mère pauvre, faudrait-il que tu sois beau. Viens faire un petit tour avec moi. Regarde un peu comment je roule. Moi je t'emmènerai loin de la foule. On y perdra peut-être la poule. Pourquoi tu doutes de mes intentions? Pas de mots à bloquer les mots, la son. Un mojito se laisse pas faire. Je reste là, je m'en la poussière. On a beau chercher à vous faire, essayer de vous satisfaire. On n'a pas peur du ridicule pour que qu'on soit héros à Jules. Un peu rouillé, me regarde un peu, imagine. Tu dis qu'il n'est pas bien pour toi, que jamais tu n'y monteras. Et m'arranger comme une mère con, faudrait-il que tout soit bon. Viens faire un petit tour avec moi. Regarde un peu comment je roule. Moi je t'emmènerai loin de la foule. Où on les perdra peut-être la boule. Viens faire un petit tour avec moi. Regarde un peu comment je roule. Où je t'emmènerai loin de la foule. Où on les perdra peut-être la boule. Je te promets, je t'enfermerai pas sur un livre de tes choix. Mon wawa n'avance pas chaque fois que tu n'es pas là. Je vois qu'il touche, il s'asphyxie, rien à faire, paralysie. Je danse, il fait quelque chose, moi je prends pour toi, tu disposes. Tu dis qu'il n'est pas bien pour toi, que jamais tu n'y monteras. Mais m'arranger comme une mère, quand faudrait-il que tu sois beau. Viens faire un petit tour avec moi. Regarde un peu comment je roule. Oh, je t'emmènerai loin de la foule. Où on éteindra peut-être la boule. Viens faire un petit tour avec moi. Regarde un peu comment je roule. Oh, je t'emmènerai loin de la foule. Un peu comme un jour, où avec moi. On regarde un peu comment je roule. Bon, je t'emmènerai loin de la foule. On éteindra peut-être ta boule. Ens ha acompanyat en Ciril Torres i la seva col·laboració amb el nostre programa amb aquesta nova edició de Ola La Music i que ens portava aquesta música des del nord d'Àfrica. Seguim amb les cançons, avui protagonistes indiscutibles del nostre programa, d'això s'anem, però recordem que estem fent una captura d'aquests elements, primer amb les seves pròpies cançons, després amb les versions que gent diferent ha decidit portar a través dels anys o ha portat a través dels anys per identificar aquest personatge com el gegant de la música francesa, qui ho va començar tot. Charles Trenet ocupa una posició, jo diria que hegemònica, entre els grans cronistes musicals, com hem dit al començament del nostre programa, de la ciutat de París. Des de l'altre costat de l'Atlàntic, on el cantant es trobava realitzant una tournée, projectava aquest cant de feliç trobada amb la ciutat, aquell Revoir Paris. En Benjamin Violet, 70 anys després, firmava una nova carta postal, íntima i amorosa, just al costat del riu Sena. Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard, prendre un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers mes maisons, banlieue où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ces gens, tous ces braves gens de la Varenne et de nos gens. Bonjour la vie. Soleil. Bonjour mamie, bonjour l'automne vermeil. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais, je suis qu'un petit français. Interpretació també, una prova més de l'extraordinària ductilitat de les cançons del nostre protagonista, per ser la seva immersió entre els més diversos estils i ritmes, és la cançó que vindrà ara mateix. Entre la nòmina d'intèrprets que han rastrejat el seu repertori amb èxit i amb molta curiositat, una cantant de jazz als anys 50 com Blossom Dagui no va poder aguantar el ritme vital d'aquest boom del trener juvenil i abanderat de la joia de viure, aquell swing extraordinari que ella versiona d'aquesta manera. Boom, contente-toi que fait bon, tout avec lui est bon, et c'est l'amour qui surveille. chante à la veine bleue, au rythme de ses boum, qui rit dit boum à l'oreille. Tout est changé depuis et la rue des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas, y a des matins douces, la mer, le soleil va paraître. Boum, lance-toi de jeu, fais boum. Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Changer de bruit et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas et y a des matins douces, la mer, le soleil va paraître. Boum, danse-toi de jeu, fais boum. Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Je n'entends que boum boum, ça fait toujours boum. Je n'entends que boum boum, ça fait toujours boum boum. Segueixes al nostre costat a través de Olala Music amb el nostre programa que ens aporta un dels nostres segments dels nostres convidats especials que ens gaudeixen amb la seva música i amb la seva selecció musical. Com sempre, una setmana més tenim al nostre costat el bon amic anomenat Hamid que ens porta la seva tria per al dia d'avui. Benvingut, Hamid. Endavant, bonjour. Sisplau. Bonjour. Bonjour. Pamelo Monka, un auteur intéressant du Congo et il chante toujours des thèmes engagés, que ce soit de l'argent ou soit de l'avenir des jeunes. Et sa chanson il s'appelle L'argent, appelle l'argent. Et bien entendu, l'argent va toujours vers les riches et pas les pauvres.

acabarem el programa d'aquesta setmana, un programa dedicat, a part de les nostres col·laboracions, de l'Àngel, d'en Cyril Hamid, Chaltrenet, que ens ha acompanyat amb les seves cançons o amb les versions que li han fet dos intèrprets i dues generacions de la chanson. Acabaran el nostre programa Patrick Bruel i Charles Aznavour, confraternitzaven amb aires de jazz manouche pels records del vell ball, del vell barri parisí que Trenet havia evocat en vispres de la Segona Guerra Mundial. En Charles Aznavour rendia d'aquesta manera tribut al seu vell mestre. És, concretament, amb aquest tema amb el qual tanquem el nostre programa. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Hola, la music. C'est mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement, quand je revois ma vieille maison grise où même la brise parle d'antan. Elle me raconte, elle te raconte, comme autrefois, de jolis contes. Au jour passé, je vous revois. Un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs, tout un roman, tout un roman d'amour. Poétique et pathétique, mais mon temps. Quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne. De mille échos, la midinette fait sa dînette au bistrot, la pipelette lit ses journaux. Voici la grille verte, voici la porte ouverte. Il grince un peu pour dire bonjour. Bonjour. Alors, te v'là de retour? Ménil m'entend, mais oui, madame, c'est là, c'est là, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare où chaque train partait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis ému. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, très doux. Les tiens, maman. Tout un roman d'amour, tout un poétique et pathétique, mais il m'entend. Tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais il m'entend.